Tu es fraîche comme un steak tartare. Tu es forte comme mon Paul Gérard. Tu es facile comme un rébus de carambar. Alors comprends bien que là je ne sais plus. Tu es intelligente avec ton air hagard. Mais tu es chiante tellement tu es avare. Je te dis pas un peu comme j'en ai marre. Alors comprends bien que là je n'en peux plus. Ah, ma pauvre Estelle, je ne suis pas comme dans tes rêves. Comme tout ce que tu vois à la télévision, dans les séries ou tous ces feuilletons. Moi, je n'ai aucune prétention. Et si parfois je suis un peu hors action et que je ne trouve plus les mots pour t'exprimer comment mon cœur est gros. Tu es à droite comme un ver de terre. Comprends-tu combien c'est navrant? Ton humour, toi seul tu le digères. Alors s'il te plaît, vas-y un peu doucement. Tu es agité comme une bossa nova quand je te prends tout contre mes bras. Mais tu es lourde comme une enclume. Ça c'est facile, au moins tu l'assumes. Ah ma triste Estelle, je ne suis pas Sacha Distel. Aussi cultivé que de la rue ou amusant comme Galabru. Je ne suis pas Gérard Majax ou une boule que l'on malaxe. Moi, vois-tu, j'ai des ambitions. Je veux trouver une femme de sensation. Tu es sensible comme une corde de mie. Quand je te dis que c'est bientôt fini, que peut-être je referai ma vie dans un pays très loin. Je sais pas, comme... la Tanzanie. En effet, tu n'es pas la femme parfaite. Non. Ben voyons, tu pensais pourtant l'être. Oui. Sans façon, faut savoir être honnête. Alors, adieu, va jouer des castagnettes. Non, ma pauvre Estelle, si tu étais plus belle, un peu moins taillée comme un gardon, et que la vie t'avait donné un don, et l'amour serait un peu plus facile, et je serais